Tu es grand comme la tour Eiffel, Michael. Toi tu as le talent de l'éternel. Ils ne te laisseront jamais tranquille, ma foi. Laisse tomber, ce ne sont rien que des crétins. Mais mon pote, te fais surtout pas de bile, Mika. Toi aussi tu auras ton chat au pantin. Michael, un futur grand acteur fidèle. Michael, embrasse-moi, roule-moi une pelle. Ils ne te laisseront jamais tranquille, ma foi. Laisse tomber, ce ne sont rien que des crétins. Mais mon pote, te fais surtout pas de bile, Mika. Toi aussi t'auras ton chat au pantin. Ne te laisseront jamais tranquille, ma foi. Laisse tomber, ce ne sont rien que des crétins. Mais mon pote, te fais surtout pas de bile, Mika. Toi aussi tu auras ton chat au pantin.